Le 16e festival architectural Vent Tianmen est ouvert le vent courant au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Y sont exposés les thèses scientifiques, les matériaux et ustensiles de bâtiments, plus de 200 projets architecturaux et une trentaine de programmes de dessin et de multimédia exploités par les architectes, les ingénieurs du bâtiment de tout le pays, les cadres, enseignants et chercheurs des établissements de recherche scientifique et de l'enseignement. On prépare à la cérémonie les officiels intéressés, les cadres, architectes, techniciens, enseignants et chercheurs des secteurs de dessin, de construction, de contrôle et de production des matériaux de bâtiment, ainsi que des domaines des sciences et de l'enseignement.